disait que le monde change. Tu disais que j'étais ton ange. Tu disais que la vie est éternelle. Tu disais que la vie est belle. Et pourtant, la vie est si fragile que maintenant ton âme me quitte. Et pourtant je ne peux te suivre. Maintenant, je ne peux te dire, envole-toi, mon ange. Envole-toi, mon ange. Envole-toi. Envole-toi, mon ange. Envole-toi. Envole-toi, mon ange. Ouvre tes ailes, mon ange. Déploie tes ailes, mon ange. Embrasse le ciel, mon ange. Envole-toi, envole-toi, mon ange. Envole-toi. Envole-toi, mon ange. Envole-toi.